Aujourd'hui, les États africains, malgré leur caractère encore faible, ils ont plus de coups de France aujourd'hui pour pouvoir agir sans demander l'autorisation des autres. Comme la France se comporte comme un État voyou, qui ne respecte pas les principes élémentaires du droit international, je dis à la Guinée équatoriale, n'ayez pas peur de laver le loup. On ne va pas éternellement faire de la diplomatie face à des gens qui ont déjà tourné la page de la diplomatie. Je dis, il nous faut les États-Unis d'Afrique. Il nous faut la Fédération des États-Unis d'Afrique tout de suite et maintenant. Parce qu'une décision comme celle-là, si on avait des États souverains, réellement souverains, ne serait-ce que dans l'Afrique dite francophone, on dit à la France, si vous tentez d'opérer ce truc-là, rupture totale de relations avec vous. C'est une violation incroyable, n'est-ce pas, du droit international et de la propriété privée d'un État tiers. La France a poussé le bouchon jusqu'à ce niveau. Afrique Média, le monde, c'est nous.